C'est dans le crack des baguettes, je tape. Qu'on casse en deux, puis les cheveux en quatre. Des millions, des milliards de couples qui pètent à soi. Les lèvres d'un zip, puis une main sur un sein. Mais le sel sonne. Les ardeurs sèchent comme du pergélisol au soleil reste. Que si je pars, c'est juste que mon visa finit à soir.